Après 9 mois d'éblouissement, de plaisir et de découverte de soi provoquée par le choc de sa rencontre avec la Grèce, ses habitants, ses pierres, sa beauté et sa lumière, Henry Miller est contraint, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, de quitter ses amis, Durell, Katsimbalis, le Colosse, et de rentrer en Amérique. Le Colosse de Maroussi, d'Henry Miller, extrait. 5e et dernière émission. Le retour. Tant que nous refuserons de penser en termes de bien universel, de paix universelle, nous continuerons à nous entretuer et à nous entretrahir. Cela peut durer ainsi jusqu'au coup de tonnerre du jugement dernier, si nous nous y prêtons. La seule raison de voir naître un monde meilleur et nouveau, c'est notre désir d'en changer. L'homme tue par peur, et la peur est une hydre à 100 têtes. Une fois le massacre déclenché, il n'en finit plus. Une éternité ne suffirait pas pour vaincre les démons qui nous torturent. Mais qui a installé les démons? Voilà ce que chacun de nous doit se demander. Que chacun de nous fouille dans son cœur. Ce n'est la faute ni de Dieu, ni du diable, ni certainement de ces monstres chétifs qui en ont Hitler, Mussolini, Staline et tutti quanti. Non plus assurément que de ces épouvantails à moineaux qu'on appelle catholicisme, capitalisme, communisme. Qui a installé les démons à demeure dans notre cœur pour nous torturer? Bonne question. Et si le seul moyen de trouver la réponse est d'aller à Épidaure, alors, je vous en adjure, tous tant que vous êtes, laissez tout tomber et courez-y, immédiatement. En Grèce, on a la conviction que le génie, non la médiocrité, est la règle. Aucun pays n'a produit, relativement à sa population, autant de génie que la Grèce. En un seul siècle, cette nation minuscule a donné au monde près de 500 hommes de génie. L'art grec, qui date de 50 siècles, est éternel et sans pareil. Le paysage demeure le plus satisfaisant, le plus étonnant que notre globe ait à offrir. Les habitants de ce petit univers vivaient en harmonie avec leur cadre naturel. Le peuplet de Dieu, qui était autant de réalités et avec lesquelles ils vivaient en communion intime. Le cosmos grec est l'illustration la plus éloquente de l'unité de la pensée et de l'action. Il persiste encore de nos jours, bien qu'il y ait beau temps que ses composants aient été dispersés. L'image de la Grèce, si fanée soit-elle, survit comme un archétype des miracles de l'esprit humain. Un peuple tout entier, les vestiges de ce qu'il a accompli en témoignent, s'est haussé à un point inégalé dans le passé comme dans le présent. C'était miraculeux, ce l'est toujours. La tâche du génie, et l'homme n'est rien sans le génie, est d'empêcher que le miracle ne meure, de vivre sans cesse dans le miracle, de rendre le miracle de plus en plus miraculeux, de ne jurer allégeance à rien, mais de ne vivre que miraculeusement, de ne penser, de ne mourir que miraculeusement. Peu importe la masse des destructions, pourvu que l'on sauve et nourrisse le germe du miracle. De nos jours, l'attention se concentre sur les richesses inépuisables de l'univers physique. Nous sommes contraints de concentrer toute notre pensée sur ce fait solide, parce que jamais encore l'homme n'avait étendu à ce point le champ de ses rapines et de ses dévastations. Nous sommes donc enclins à oublier que le royaume de l'esprit abonde aussi en trésors inépuisables, et que bien acquis n'y est jamais perdu. À Épidaure, ce fait devient certitude. À force de malice et de malveillance, il se peut que le monde plie et craque un jour. Mais ici, quel que soit l'ouragan gigantesque que puisse engendrer le déchaînement de nos passions mauvaises, ici s'étend une zone de paix et de calme, héritage de pureté, distillation d'un passé qui n'est pas complètement perdu. C'est un dimanche matin que Katsimbalis et moi, nous quittâmes nos plis pour Mycène. Il était à peine 8 heures quand nous arrivâmes à la petite gare qui porte ce nom de légende. En traversant Argos, la magie de ce monde me pénétra soudain jusqu'aux tripes. Des choses depuis longtemps oubliées me revinrent avec une clarté terrifiante. Je n'aurais su dire s'il s'agissait de souvenirs de lecture au temps de mon enfance ou si je puisais à même la mémoire universelle de l'espèce. Le fait que ces endroits existaient toujours, portaient le même nom que dans l'Antiquité, me paraissait incroyable. C'était comme une résurrection. Et le jour que nous avions choisi pour notre expédition tenait davantage de Pâques que du Thanksgiving Day. De la gare aux ruines, il faut compter plusieurs kilomètres de marche. Comme à Épidaure, partout régnait une immobilité silencieuse et sublime. Nous allions sans nous presser, en direction des collines environnantes qui montent de l'étincellement de la plaine argienne. Au-dessus de nous, quelques oiseaux tournoyaient dans la voûte d'azur sans faille. Soudain, nous tombâmes sur un gamin qui pleurait à se fendre l'âme. Il était debout dans le champ voisin de la route. Ses pleurs juraient littéralement avec le monde silencieux et tranquille qui l'entourait. On l'eût dit déposé dans ce champ vert par un esprit venu d'un autre monde. Qu'est-ce qui pouvait bien faire pleurer un petit garçon, à pareille heure, dans un tel monde de miracles? Katsimbalis alla lui parler. Il pleurait parce que sa sœur lui avait pris son argent. Combien d'argent? 3 drachmes. L'argent. Même ici, on retrouvait une chose comme l'argent. Jamais ce mot ne m'avait paru aussi absurde. Comment pouvait-on concevoir un mot pareil dans ce monde de terreur, de beauté, de magie? Si on lui avait volé un âne ou un perroquet, passe encore. Mais 3 drachmes? Non. Je n'arrivais pas à voir ce que pouvait signifier 3 drachmes. Je n'arrivais pas à croire qu'il pleurait. C'était une hallucination. Qu'il y reste dans son champ et qu'il pleure tant qu'il voudra. L'esprit reviendrait le chercher. Il détonnait ici comme une anomalie. L'impression la plus forte, suffisante à elle seule, que la Grèce m'ait laissée, c'est celle d'un monde à la taille de l'homme. On me dira, il est vrai, que la France donne aussi cette impression. Et pourtant, il y a une différence, une profonde différence. La Grèce est la patrie des dieux. Ils ont beau être morts, peut-être, leur présence s'y fait toujours sentir. Les dieux étaient de proportions humaines. C'est de l'esprit de l'homme qu'ils sortirent. En France, comme ailleurs en Occident, ce lien entre l'humain et le divin est rompu. Le scepticisme et la paralysie qu'a provoqué ce schisme au sein de la nature même de l'homme fournissent la clé de l'inévitable destruction de notre civilisation actuelle. Du moment que l'homme cesse de croire qu'un jour viendra où il se changera en Dieu, on peut être certain qu'il est mûr pour se changer en asticot. On a beaucoup parlé d'un nouvel ordre, destiné à voir le jour sur notre continent américain. On ne devrait pourtant pas perdre de vue que les prophètes ne voient même pas l'aube de cette ère avant un bon millier d'années. Le mode de vie qu'observe aujourd'hui l'Amérique est condamné aussi sûrement que celui auquel se conforme l'Europe. Aucune nation sur Terre n'a la moindre chance de donner naissance à un nouvel ordre de vie tant que la vision ne s'élargira pas au monde entier. De cruelles erreurs nous ont enseigné que tous les peuples de la Terre sont vraiment liés les uns aux autres de façon vitale. Mais nous n'avons tiré aucun parti intelligent de cette certitude acquise. Nous avons vu 2 guerres mondiales. Nous en verrons sans aucun doute une 3e, une 4e, peut-être davantage. Il n'y aura pas d'espoir de paix tant que l'ordre ancien n'aura pas volé en morceaux. Il faut que le monde redevienne petit, comme le monde grec autrefois. Assez petit pour inclure chacun de nous. Tant que les hommes, jusqu'au dernier, n'y seront pas inclus, il n'y aura pas de véritable société humaine. Mon intelligence me dit qu'une telle condition de vie mettra longtemps à venir. Mais elle me dit aussi que c'est le seul moyen de jamais satisfaire l'homme. Tant qu'il ne sera pas devenu pleinement humain, tant qu'il n'aura pas appris à se conduire en partie intégrante de cette terre, l'homme continuera à créer des dieux qui le détruiront. La tragédie de la Grèce, il faut la chercher non pas dans la destruction d'une culture grandiose, mais dans l'avortement d'une vision grandiose. Nous disons à tort que les Grecs ont humanisé les dieux. C'est exactement le contraire. Ce sont les dieux qui ont humanisé les Grecs. Il y a eu un moment où l'on a pu croire que l'on avait saisi le sens réel de la vie. Un moment éperdu où la destinée de toute l'espèce humaine s'est trouvée en péril. Ce bref moment s'est évaporé dans le flamboiement de puissance où s'abîmèrent les Grecs, grisés. D'une réalité trop vaste pour leur compréhension humaine, ils firent une mythologie. Nous oublions, dans l'enchantement où nous plonge le mythe, que ce dernier est né de la réalité et ne diffère fondamentalement d'aucune autre forme de création, sauf en ce qu'il touche au vif même de la vie. Nous aussi, nous créons des mythes, bien que nous ne nous en rendions peut-être pas compte. Mais dans nos mythes, il n'y a pas de place pour les dieux. Nous construisons un monde abstrait, déshumanisé, avec les cendres d'un matérialisme illusoire. Nous tenons à nous administrer la preuve que l'univers est vide, tâche que justifie le vide de notre propre logique. Nous voulons à tout prix être des conquérants, et conquérants nous serons. Mais notre conquête, c'est la mort. Les gens prennent des airs ébahis et charmés quand je parle de l'effet que ce voyage en Grèce a eu sur moi. Ils disent m'envier. Ah, si seulement ils pouvaient aller là-bas un jour, eux aussi. Pourquoi n'y vont-ils pas? Parce que nul ne peut goûter l'expérience désirée s'il n'y est d'abord prêt. Les gens pensent rarement ce qu'ils disent. Quiconque prétend brûler de faire autre chose que ce qu'il fait, ou d'être ailleurs que là où il est, se ment à soi-même. Désirer n'est pas seulement souhaiter. Désirer, c'est devenir ce que l'on est par essence. Il est des êtres qui, lisant ces lignes, comprendront nécessairement que la seule chose à faire, c'est de transformer leurs désirs en actes, jusqu'au bout. Il a suffi d'une ligne de Maeterlinck sur la vérité de l'action pour bouleverser ma conception de la vie. Et j'ai mis 25 ans à m'éveiller pleinement au sens de cette phrase. D'autres sont capables de coordonner plus rapidement vision et action. Mais le fait est que c'est en Grèce que, pour ma part, je suis finalement parvenu à cette coordination. J'ai perdu mon enflure. J'ai été rendu à de justes proportions humaines. Prêt à accepter mon lot, prêt à partager tout ce que j'avais reçu. Debout dans le tombeau d'Agamemnon, j'ai vraiment passé par une seconde naissance. Peu me chaud ce qu'on pensera ou dira en lisant cette déclaration. Je n'ai nul désir de convertir qui que ce soit à ma façon de penser. Je sais désormais que le genre et le degré d'influence que je pourrai exercer sur le monde dépendront de l'exemple que j'aurai donné et non de mes mots. Je livre ces notes de voyage non comme un apport à la connaissance humaine, car ma connaissance est bien petite et de peu d'importance, mais comme une contribution à l'expérience humaine. Des erreurs d'une espèce ou d'une autre, il n'en manque sans doute pas dans ce récit. Mais c'est la vérité qu'il m'est arrivé quelque chose. Et cela, je l'ai livré aussi fidèlement que je le puis. Mon ami Katsimbalis, pour qui j'ai écrit ce livre afin de lui témoigner ma gratitude, ainsi qu'à ses compatriotes, me pardonnera, je l'espère, de l'avoir outré aux dimensions d'un colosse. Ceux qui connaissent Amarousion sauront bien que l'endroit n'a rien de grandiose, non plus que Katsimbalis, non plus que, en fin de compte, toute l'histoire de Grèce. Mais n'importe quelle figure humaine a quelque chose de colossal lorsque l'individu en question devient véritablement et totalement humain. D'individu plus humain que Katsimbalis, je n'en ai jamais rencontré. Marchant avec lui dans les rues d'Amarusion, j'avais le sentiment de fouler le sol de la planète de façon absolument neuve. La Terre devenait plus intime, plus vivante, plus pleine de promesses. Il parlait très souvent du passé, c'est vrai, mais non comme d'une chose morte et oubliée, plutôt comme de quelque chose que nous portons en nous, qui féconde le présent et fait de l'avenir une invite. Il parlait avec la même vénération des petites choses comme des grandes. Il trouvait toujours le loisir, si occupé fut-il, d'arrêter la montre pour parler longuement de ce qui l'avait ému. Il avait du temps à en revendre à l'infini, ce qui est signe, en soi, d'une grande âme. Comment pourrais-je oublier cette dernière impression que j'emportais de lui, au moment des adieux, devant la station d'autobus au cœur d'Athènes? Il y a des hommes qui sont si pleins, si riches, qui se donnent si complètement, que chaque fois que l'on prend congé d'eux, on sent que peu importe, absolument, que ce soit pour un jour ou à jamais. Ils viennent à vous, tout débordant, et vous remplissent jusqu'à ce que vous débordiez aussi. Ils n'exigent rien de vous, que votre participation à leur joie surabondante de vivre. Ils ne vous demandent jamais de quel côté de la barrière vous êtes, parce que le monde qu'ils habitent n'a pas de barrière. Ils finissent par devenir invulnérables, parce que s'exposer à tous les dangers est pour eux une habitude. Leur héroïsme grandit dans la mesure où ils étalent leur faiblesse. Certes, dans ces histoires interminables et d'apparence fabuleuse que Katsimbalis avait coutume de raconter, il devait entrer une bonne dose de fantaisie déformante. Pourtant, même si la vérité se trouvait de temps en temps sacrifiée à la réalité, l'homme, derrière l'histoire, n'en parvenait que mieux à révéler, dans sa fidélité et sa totalité, sa véritable image humaine. Dans l'instant même où je lui tournais le dos pour m'en aller, le laissant là, assis dans l'autobus, son œil alerte et rond se repaissait déjà d'autres spectacles. Et Séfériadès, qui me raccompagnait jusque chez moi, me fit observer avec une profonde émotion. C'est un grand type, Miller. Cela ne fait aucun doute. Un type extraordinaire. Un phénomène d'humanité, dirais-je. Et ce disant, il semblait que ce fût lui, Séfériadès, qui fit ses adieux à son ami, et non moi. Il connaissait Katsimbalis autant qu'il est possible à deux hommes de se connaître, j'imagine. Il lui arrivait de lui témoigner de l'impatience, de s'irriter follement, de se mettre parfois dans de véritables rages. Mais deviendrait-il même un jour son ennemi le plus acharné? Je ne puis me le figurer prononçant une seule parole de nature à diminuer la stature ou à ternir la splendeur de son ami. Quelle merveille que de l'entendre dire, sachant que je venais juste de quitter Katsimbalis, « Est-ce qu'il vous a raconté l'histoire des sous qu'il avait trouvés ?» Ou Dieu sait quoi d'autre. Il me demandait cela avec l'enthousiasme de l'amateur de musique qui, apprenant que son ami vient d'acheter un phonographe, désire lui recommander tel ou tel disque, dans la certitude de lui procurer ainsi une grande joie. Souvent, quand nous étions réunis tous ensemble et que Katsimbalis s'était lancé dans une longue histoire, j'ai surpris ce même sourire entendu et chaleureux sur le visage de Séfériadès. Le sourire qui annonce aux autres qu'ils vont entendre quelque chose d'extra, dont la qualité à toute épreuve n'est plus à démontrer. Ou alors il me disait ensuite en me prenant par le bras et m'entraînant à l'écart, « Dommage qu'il ait sauté une partie de l'histoire ce soir. Il y a un passage étonnant qu'il raconte les jours où il est de très bonne humeur. Oui, dommage que vous ayez raté ça. » Il allait également de soi pour tout le monde, me semblait-il, que Katsimbalis n'avait pas seulement le droit d'improviser au fur et à mesure, mais qu'on attendait cela de lui. On le regardait comme un virtuose qui ne jouerait que ses propres œuvres et aurait donc le droit d'y apporter toutes les variantes qu'il lui plaît. Il existait un autre aspect de ce don remarquable, aspect intéressant aussi, et qui, lui non plus, n'est pas sans analogie avec le talent du musicien. Pendant la période où je l'ai connu, Katsimbalis menait une vie relativement calme et sans aventure. Mais l'incident le plus banal, du moment que c'était à lui qu'il arrivait, trouvait le moyen de s'épanouir pour devenir un grand événement. Peut-être avait-il tout bonnement cueilli une fleur au bord de la route en rentrant chez lui. Mais quand il arrivait au bout de son histoire, la fleur, si humble fut-elle, devenait la plus extraordinaire que personne n'eût jamais cueillie. Elle restait dans la mémoire de l'auditeur comme la fleur cueillie par Katsimbalis. Elle devenait unique en son genre. Non qu'elle eût en soi rien d'exceptionnel, mais Katsimbalis l'avait immortalisée en la remarquant, parce qu'il en avait fait le réceptacle de toutes les pensées, de tous les sentiments que lui inspiraient les fleurs, autrement dit, un univers. Je choisis cette image au hasard, mais qu'elle est appropriée et exacte. Quand je pense à Katsimbalis se penchant pour cueillir une fleur sur le sol dénudé de l'Attique, le monde grec entier, passé, présent et avenir, surgit à mes yeux. Je revois la douceur des petits tumuli sous lesquels les morts illustres furent ravis au regard des hommes. Je revois la lumière violette dans laquelle la broussaille rêche, le roc usé, les énormes éboulis des lits de rivière à sec luisent comme du mica. Je revois les îles en miniature flotter au-dessus de la surface de la mer, avec leurs petites ceintures d'un blanc éblouissant. Je revois les aigles fondre du haut vertigineux de crêtes inaccessibles et promener sur le brillant tapis de la terre, tout en bas, la tache sombre et lente de leur ombre. Je revois les silhouettes d'hommes solitaires, marchant dans le sillage des troupeaux et franchissant les chines nues des monts parmi l'écume légère des toisons, dorées comme au jour de légende. Je revois les femmes assemblées autour des puits, au milieu des oliveraies, et leurs costumes, leurs manières, leur parler qui reste semblable à celui des temps bibliques. Je revois la grande figure patriarcale du prêtre, mélange parfait de l'homme et de la femme, et la sérénité, la franchise, la plénitude de paix et de dignité de son visage. Je revois les géométries de la nature, expliquées par la terre elle-même dans un mutisme assourdissant. La terre grecque s'ouvre devant moi comme le livre des révélations. Je ne m'étais jamais douté que la terre pût contenir tant de choses. J'allais les yeux bandés, chancelant, hésitant. J'étais orgueilleux, arrogant, content de mener la vie fausse et restreinte du citadin. La lumière de la Grèce m'a ouvert les yeux. Elle a pénétré mes pores et dilaté tout mon être. Je me suis retrouvé chez moi dans le monde, ayant découvert le centre de vérité, sachant exactement ce que signifie « révolution ». Aucun conflit guerrier entre les nations de la terre ne saurait troubler cet équilibre. Il se peut que la Grèce elle-même soit mêlée un jour à l'imbroglio général, comme nous sommes en passe de l'être nous aussi. Mais je refuse catégoriquement de tomber à l'avenir au-dessous de cette condition de citoyen du monde que je me suis accordé en silence, debout dans le tombeau d'Agamemnon. À dater de ce jour-là, j'ai voué ma vie à la restauration du caractère divin de l'homme. « Paix à tous les hommes, dis-je, et vie plus abondante. » C'était « Le Colosse de Maroussi » d'Henri Miller. Extrait. Traduction de Georges Belmont. Texte dit par Olivier Clavery. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistance technique et montage, Nicolas de Pagraf. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Le Colosse de Maroussi, d'Henri Miller, est édité aux éditions Buchet-Chastel.